Chapitre 27e, CM Process. Finalement, ce ne fut pas trop difficile de se rendre à la Défense, et Dutilleul put se concentrer sur l'entretien qu'il allait avoir avec Jean-Jacques Mousseron. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait le sentiment qu'il allait devoir jouer une partie très serrée. Bellegarde conduisit sans accroc et parvint même à se garer à proximité des bureaux de CM Process, qui occupaient une tour de taille moyenne, mais flambant neuve. Dès qu'il pénétra à l'intérieur, il fut frappé par l'atmosphère très particulière du lieu. Certes, on n'avait pas lésiné sur la qualité des matériaux, mais l'ensemble manquait singulièrement de chaleur et de personnalité. Le hall d'entrée permettait de rentrer directement dans le vif du sujet, celui du composant électronique. Il y en avait de toutes tailles, de toutes sortes, de toutes couleurs. On avait multiplié, sans doute à dessein, les angles de coupe. Mais pour Dutilleul, qui était un néophyte complet, l'impression était des plus mitigées. Partout, on avait privilégié de montrer le savoir-faire de l'entreprise au détriment de l'artistique. Les lumières, pourtant assez travaillées, ne parvenaient ni à harmoniser ni à réchauffer l'ensemble. C'était, sans nul doute, une démonstration brillante mais froide. Les hôtesses d'accueil étaient à l'avenant, élégantes mais affichant une amabilité de commande. Dutilleul les sentait visiblement très peu concernées par ce qui se passait autour d'elles. L'une des filles, elles étaient tout de même quatre, regarda d'un air presque ennuyé la carte de police de Dutilleul puis tapa sur un clavier. Elle composa ensuite un numéro, sans doute raccourci, et informa d'une voix neutre que le commissaire Dutilleul était à l'accueil. En revanche, elle ne jugea absolument pas nécessaire de contrôler la carte de Bellegarde. Quelques instants plus tard, une femme blonde entre deux âges, très certainement décolorée, les accueillit. Elle pilota avec adresse Dutilleul et Bellegarde jusqu'aux ascenseurs. Elle se présenta comme étant l'une des assistantes de M. Mousseron, et Dutilleul se dit in petto qu'elle s'harmonisait parfaitement avec le lieu. Certainement très compétente, mais manquant vraisemblablement d'humour et de fantaisie. Tous les efforts portaient sur la mise impeccable et le maintien du poids de forme. Pas vilaine, pour qui aimait le genre glaçon. Comme Dutilleul s'y attendait, les bureaux de M. Mousseron étaient situés au dernier étage. Dutilleul nota tout de suite la moquette crème très épaisse qui absorbait tous les bruits. Là aussi, les composants électroniques tenaient la vedette. Mais l'effet n'était guère plus heureux que dans le hall. L'assistante proposa aux deux hommes de s'asseoir sur des fauteuils en cuir blanc et leur demanda d'une voix sans timbre si ces messieurs voulaient boire quelque chose. Dutilleul se laissa tenter par un thé. En fait, c'était un petit test, car il était curieux de voir ce qu'on allait lui proposer. Aurait-il droit à une horrible lavasse de distributeur automatique? Cette fois cependant, il en fut pour ses frais. L'assistante revint avec une jolie tasse en grès et un assortiment de thé en bonne maison ainsi qu'avec un cappuccino bien crémeux pour Bellegarde. L'assistante annonça d'une voix impersonnelle qui démentait quelque peu la teneur de ses propos. « Monsieur Mousseron vous prie de l'excuser, mais il aura quelques minutes de retard, un imprévu de dernière minute. » Dutilleul, cependant, ne s'en offusqua pas. Il préféra déguster à petite gorgée le thé blanc offert, qui était tout à fait honorable. Il admettait volontiers, l'endroit ne lui plaisait pas du tout. Il comprenait à présent pourquoi Marion ne devait pas aimer s'y rendre. Une adolescente de 15 ans devait se sentir bien intimidée dans un tel univers. Soudain, Dutilleul en voulut à Mousseron de ne pas avoir cherché un instant à mettre la jeune fille à l'aise. C'était une victoire facile, dénuée d'éclat. Comment pouvait-on s'enorgueillir de triompher d'une gamine qui ne comprenait sans doute rien de ce qui pourtant se jouait en son nom? Maître Vérel n'avait vraiment pas dû avoir la tâche facile. Dutilleul et Bellegarde patientaient depuis 20 bonnes minutes quand une autre assistante vint enfin les chercher. On leur fit alors traverser un immense couloir qui les mena à l'autre bout du bâtiment. Dutilleul, pour sa part, n'apprécia pas vraiment la traversée, même si, incontestablement, celle-ci le renseignait sur l'un des traits de personnalité de Mousseron. Outre les victoires sans honneur, celui-ci aimait visiblement tenir les gens à la plus grande distance possible. Le fait lui sembla suffisamment intéressant pour en prendre bonne note. Avait-il traité la petite Marion de la même façon? Très certainement. Une fois de plus, l'homme n'apparaissait pas sous son jour le plus favorable. L'assistante frappa discrètement à une porte qui s'ouvrit aussitôt. Jean-Jacques Mousseron vint accueillir lui-même ses visiteurs.